Maurice, qui a un message très important à nous communiquer, ça Maurice. Allô, ouais, ça marche. Essai, test, micro, 1, 2, test, patate chaude, patate froide, patate tiède, on essaye, on fait pas, patate purée, on s'en sort pas, patate. Ironique, onirique et pourquoi pas comique, politique, mais aussi sémantique, la patatose. La patate, patatose. La patatose. La patatose. Un petit bonjour à nos amis belges, la patatose. Wesh, wesh. You know it's my when you see. La patatose. Just for once. Tonight. You say it's better if you don't try. Oui, la patatose. Elle écrivait et maintenant elle vous parle à la radio primitive. Mais qui sommes-nous ? Des frites ? De la purée ? Des rostis ? Non, pas du tout. Nous sommes ceux qui ont perdu le Nord. Les déjantés. Les barrés à l'Ouest. Des hommes et des femmes et des aliens. Ou des soignants et des soignés. Ou alors des patients, pas patients, voire impatients. Du centre Antonin Artaud à Reims. C'est la cinquième, pas la cinquième république. Dans cette émission, on s'évade. Mais en passant la cinquième. Je crois qu'on a atteint notre vitesse de croisière. Et bizarrement, on s'évade en repassant par l'hôpital. Clin d'œil à la colifata. Nous les agités du bocal. Nous qu'on a fait l'émission. V'là nos petits bouts d'agitation. Black belge. Croque-mitaine. Surréalisme. Slam. Du rire à la zic. Soyons. As you lie there and listen to my voice, you know that I am your friend, and so you can rest now. You will listen to my voice, and you will remember everything I say, because you know we love you, we want you, and we need you, and your family is very proud of you. You will listen to my voice, and you will rest quietly. You can do everything I tell you, and remember everything I tell you. You know we love you, and we want you, and we need you, and you are safe in our care. So when you are happy, we are proud of you. All children stop something they wash themselves. Because everyone looks so good when they are clean. And you are clean and careful. Because you want to be clean. How nice you look and how proud everyone is of you. New toys look so nice. And new clothes look nice. And you like to help by keeping your things as nice and clean as they should be. And the best way to keep your things that way is to always put your things away when you are through playing with them. You can be real proud of yourself and real proud that your things are nice and clean and always put away. Then everyone will know that you are growing up. Yes, you can be sure that when you pick up your things and try to keep yourself clean, that you are helping. You are growing up. You are happy that you can help. You are so happy you are growing up. You like growing up. Everyone has things they like very much. And you do too. And when everyone sees how well you keep your toys and things, your whole family will be proud of you. Yes, proud that you can do all the things they want you to. You will be happy. Des bocalés. Bon, ouais, c'est ce qu'on fait. l'évader du bocal. Poisson nettoyeur du bocal, toujours plaqué contre la vide. J'ai envie de te donner la liberté. Je ne peux pas, car toi, poisson, tu es dedans. Dans ton bocal, je m'imagine poisson flottant entre les eaux. Pourquoi pas? Un bocal n'est pas forcément une prison. Je cherche à m'évader de ma maladie qui me ronge jour après jour. Je suis prisonnière de mon mal qui ne me permet pas de m'évader. J'aurais bien voulu être un aigle pour pouvoir m'évader si haut, si loin de ma maladie qui me ronge. People who are afraid of enclosed places are infected in claustrophobia, such as aircraft, small rooms, or little places. Hopefully, what we do here today will take us one step further. If we can do a little every day, that could be fine. There are people who can't go a day without doing something. Try to do a little every day, that could be fine. Est-ce qu'on pourrait traduire le texte en français? J'ai rien compris. Les gens qui sont effrayés par les endroits clos, comme les avions, les petites pièces et les petits endroits, sont atteints d'un mal qu'on appelle claustrophobie. Heureusement que ce que nous faisons ici chaque jour nous évadera vers une autre étape. Si on peut faire un peu chaque jour, ça sera bien. Il y a des gens qui peuvent passer des jours sans rien faire. Alors, essayez de faire un petit peu chaque jour, ce serait bien. Félix. Coulisses. Tout ce qui peut se dissimuler derrière un air décontracté. COOLI2SE. Délirer vraiment. Péter les plombs intentionnellement. Canaliser. CANALYSER. Endiguer les pulsions d'un sujet grâce à des méthodes d'investigation psychologique. Ouais. Déficience. Défiant la science. Ouais. Telle la grenouille dans le bocal, je monte une à une les marches de l'échelle. Si je suis en bas, il pleut dans ma vie. Si je suis en haut, un rayon de soleil m'illumine. Je suis évadé du bocal lorsque je me laisse aller. J'arrive pas à sortir du bocal, j'arrive pas à écrire. Après tout, je suis évadé du bocal. Sortir du bocal, c'est sortir à l'hôpital, sortir des médicaments, être bien dans sa tête et dans sa peau. Eh ben, c'est pas mon cas. Peut-être au niveau du psychisme. Sinon, je suis toujours à l'hôpital et toujours esclave des médicaments, donc pas un évadé du bocal, sauf au niveau psychique. Ont-ils des écailles ou des nageoires, des couleurs fluorescentes et bigarrées? Courent-ils après un hameçon ou une cuillère? Ils sortent de l'eau pour respirer l'air et la musique. Vers quel futur, sinon celui d'une planète qui, comme un océan, distille la liberté au-delà des horizons lointains? Thérapeute. Médecin qui soigne les écarts de conduite. Dépistémologie. Méthode de diagnostic des malades. Diclonoclaste. Individu qui tente de nuire à la réputation des dictionnaires en les pastichant irrévérencieusement. Les évadés demandent de nager, se libérer, d'apprendre, à pioncer et parler. Oublier ou féliciter. Par la natation, ils sont souvent cachés, c'est des poissons. Mais j'aimerais pas être à leur place. Car je ne sais pas respirer dans l'eau. Le bocal, c'est pas pour moi. Ça a rien à voir avec la lessive. Le poisson, ça sent pas bon. Et la lessive, ça respire le bonheur. Dans mon bocal, je se mêle angoisse et peur. Heureusement, parfois cela s'évade avec les paroles au centre, lors d'entretiens avec ma psy, mon infirmière et mon psychiatre. Quand cela se libère, je me sens légère Avec l'équipe, j'essaie de déconner. Surtout avec Olivier qui me prend pour Annie Cordy, car c'est une belge comme moi. Et quand je lève mon chapeau, il y a des oiseaux qui s'évadent de mon bocal avec sifflement et enchantement. Mon bocal, j'en ai plein les mains, piocher, bêcher, sarcler, pour retourner tout le terrain. Marcher, parler, aimer, pour combattre mon petit grain. La cure, c'est de l'agriculture, des mots de tous les mots, et comme des légumes durs, on en fait des bocaux. Handicap, désavantage volontairement consenti par un partisan de la non-violence face à un adversaire. Gauchemardé. Pour un homme politique de droite, rêver que ses adversaires détiennent tous les pouvoirs. Fredonner. Chanter à mi-voix en laissant s'exprimer son subconscient. Freudonner. F-R-E-U-D-O-2-N-E-R. Chanter à mi-voix en laissant s'exprimer son subconscient. Fainéantise. Peur obsédante de la paresse, du temps mort et de la durée non remplie. Fainéantise avec un H et un A. Dodogmatique. Qui endort ses interlocuteurs à force d'affirmations péremptoires. Le bocal se porte bien, ta grouille dedans. Ils vont partir en patatoude. Je ne demande rien. La patate, pour combien de temps? Je parle, ça sert à moi. Comme je n'ai pas de dialogue, je suis seul ce soir. Je n'arrive à pas grand-chose. C'est ainsi. Je suis gentil. J'ai écouté. Cela m'a fait du bien. Je l'ai fait pour moi. Je pourrais partir, laisser tout en plan. J'ai envie de rien. Car la droite m'a bourré le crâne. Et la gauche aussi. J'en conviens. Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Je suis là, le porte-parole des médias qui sont surtout de droite. Ce n'est pas pour ça que je suis de droite. J'attends les médias de gauche. Je crois que je vais les voir ce soir. J'ai l'impression en ce moment d'être comme le poisson rouge dans son bocal. À peine j'ai fini mon tour que je ne me rappelle plus ce que j'ai fait juste avant. Ma mémoire est désormais égale à la sienne. Je ne vis que dans l'instant. Eva, Eva, de toi-même, cours sur la ligne d'horizon, saute sur les nuages de coton. Eva, de toi, de ton bol crânien, casse le carcan, danse le French cancan, en tout bien, tout honneur. Eva, de toi, ouvre ton esprit dans le rire du pire, ne crains pas les larmes, ni le vertige, chevauche le vent, Eva, de toi. C'est toute une histoire, les regrets du promeneur solitaire. Mais il y a la difficulté à s'adapter au groupe, les ruptures d'équilibre, la fatigue et aussi les nourritures spirituelles. Un homme a dessiné que le renne fasse reculer les bornes du désert et laisse à leurs bonnes œuvres leurs bourreaux hilar et les cauchemars. Je rêve d'une vie en forme d'assiette sur une assiette bleue. Poisson, poisson, poisson, poisson, tu me sortiras de ma malle de capitaine au long cours. Pois, pois, pourquoi? Boc, boc, boc, il y a trop de boc, ras-le-boc. Brouillard en novembre, Noël en décembre. Proverbe belge. Je n'ai jamais rien compris aux blagues belges. Vous savez pourquoi dans une piscine les Belges ils se mettent toujours au fond? C'est parce qu'au fond ils sont pas si cons. Je l'espère bien parce que je suis d'origine belge. Glandoctriné. Convertir à la paresse. Gouvernance. Vague de rythme et de désir pour balayer la bureaucratie. Énergie. A-H-A-I-N-E-G-I-E. Perdu. Énergie. Force de répulsion. Ignominiser. Évoquer une tragédie historique en la qualifiant de point de détail. Ouais. Croque-mitaine. Croc, croc. Oui, tu veux faire peur. Toc, toc à ma porte. Viens, on fera du troc, troc, troc. Tes grandes quenottes contre mes dernières socs, socs, soquettes. Chut, chut. Entends-tu ces notes? Entends-tu? C'est l'histoire de Joe, un poisson rouge, qui saute et qui s'évade de son bocal, là, comme ça, avec son petit baluchon. Il s'en va sillonner le monde et au bout d'un moment, il est tout sec. Il a soif. Alors, il sort une petite bouteille pour s'arroser un peu. Il se regonfle pour pouvoir continuer. Et oui, il faut bien en emporter un bout de son bocal, sinon on perd de sa substance. Quand je suis arrivée à Z4, j'ai été transférée dans une cellule d'isolement. Personne ne s'est soucié de mes cris, de mes tambourinements dans la porte, parce que j'avais très peur. Rapidement, j'ai compris la perte de ma liberté. Je me suis couchée, la peur au ventre, et enfin la porte s'est ouverte. Un psychologue alors nous a invités à projeter sur une feuille de papier, après ma sortie bien sûr, un dessin, et j'ai choisi un visage, la moitié noire, celle de mon ami. Je lui faisais des grosses larmes en lui disant « Toi, tu n'as pas de travail en France, et moi aussi, je suis enfermée dans ma prison derrière des barreaux bleus. » Il y a contradiction entre le temps et le cristal et la petite glace ronde et ses rayons. Oui, mais à l'entrée de la rue Biret, sur un panneau, il y a carte noire. J'ai pas trouvé carnivore, herbivore, mais c'est bon. Informance. Syndrome du JT, surenchère d'informations mêlées à la performance. Chasse au spectaculaire. Laboraphobie. Angoisse du travail, plus labeur, plus labo, plus pas. Labyrinthe intellectuel. Individu qui s'égare dans son propre cerveau. Légalomane. Individu maladivement obnubilé par la grandeur de la loi. Maladier. Équivalent péjoratif de médecin. Celui qui s'occupe des malades, sans plus, et qui en tire un bénéfice, comme le limonadier de sa limonade. Ouais. Il y a deux types de transferts, c'est simple, le transfert positif et le transfert négatif. Alors le transfert négatif, c'est le transfert du transfo. C'est quand des jeunes, par exemple, ils ont un peu peur de la police, ils rentrent dans un transfo et ils s'électrocutent. D'un autre côté, il y a le transfert positif. Alors, le transfert positif, c'est le transfert de caca. Vous savez, le transfert de caca au FC Barcelone, ça rapporte des millions au club. Amenez le manteau à moi, je suis content. Amenez le manteau à moi, je suis content. Excusez-moi, vous êtes un petit groupe ? Nous nous appelons l'ombre de ton chat. Je ne sais pas quelle est ta définition de petit groupe. En tout cas, il y a les applaudissements du petit bain. Oui. Kardèche, Radio Patatos, bonjour. De Reims. Et vous, vous êtes de Reims ? Oui. Ah ouais, moi je suis natif de Reims. Oui. Je m'en fous, je suis fou déjà. Première des choses. On est venu jouer ici parce qu'on savait que vous étiez là, étant concerné de près ou de loin par les choses. Alors entre détention ou internement, suivi et soins, bon, j'ai voulu illustrer quelques propos par ma tenue vestimentaire. On joue régulièrement dans le métro, on joue dans des petites salles à Paris, et aujourd'hui on joue pour vous et pour tous ceux qui seront un jour classés dans une case, dans une autre, suivant le DSM, ce qui nous en raconte une année ou un autre, suivant ce que Lily nous racontera à propos de ces antipsychotiques de 2e, 8e ou 25e génération, sachant que les choses sont belles vu que le traitement fait la pathologie aujourd'hui. Vos paupières sont lourdes, vos membres, tous vos membres s'engourdissent, ils sont de plus en plus lourds. S'évader, s'affranchir des règles, des normes, respirer, aérer le bocal, sous peine d'agitation grave. Bocal stressé, malmené, douloureux, cherche à s'évader, respirer, s'aérer. Bocal sous pression, cocotte minute, libérer la soupape sous peine d'implosion. Boco patatos. C'est la pause. Les vacances ne sont pas faites pour mon bocal fêlé. De quoi déjanter pour un obsédé. C'est un été de chaleur dans le local, mais à l'extérieur du bocal. Sommes-nous vraiment des évadés du bocal? Pour certains, ils n'en sortiront jamais. Mais moi, je suis en semi-liberté, soumise au règlement de la famille gouvernante, mais bien contente comme ça. Car je retrouve mes amis tous les vendredis pour faire de la radio ou pour écrire dans notre journal ici au Centre Artaud. Pas envie de patates en bocaux, enfermées, stérilisées, épluchées, détrempées, pas envie de prendre l'eau. Patateurs et patateuses, évadons-nous du bocal, ouvrons le couvercle et libérons-nous de ces parois froides et floues qui nous immobilisent et nous aveuglent. Allons voir là-bas ce que nous pouvons cuisiner ensemble. Manu pilulé. Mani pilulé. Mani pilulé. C'est une manie, les pilules. Et c'est du phénomental. Ou prescrire. P-E-R-S-Q-U-I-R-I-R-A. Oh, presque rire, alors. Ouais. Marxetting. Marxetting. Doctrine politique reposant sur la mise en commun des moyens de consommation. Névroserait. Jardin secret aux fleurs envahissantes. Que c'est joli. Nirvanalyse. Aboutissement du processus psychanalytique où le patient parvient à une contemplation sereine de son ego. Obscuriosité. Aptitude à rechercher la lumière au milieu des ténèbres. Optimiste. Personne qui se réjouit de la perspective de l'égalité des sexes. Obstinence. Persévérance dans la renonciation au plaisir. Ouais. Laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches. Des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. S'évader de mon bocal signifie laisser derrière le vieux sentiment. Ça va aussi dire oublier le mauvais sentiment. Pour moi, une des meilleures voies pour s'évader de son bocal, c'est d'occuper ma tête avec les nouvelles choses, bonnes choses et aussi faire du sport. Pourquoi est-ce que les gens doivent s'échapper de la tête? C'est à cause de le stress. Faire du sport pourrait donc être un bon moyen de sortir de son bocal. Ici le commandant. Nous sommes en vol pour Zedarkat, compagnie Evader, destination jardin. Vous y verrez de magnifiques fleurs de différentes couleurs, de la verdure, mais la plus grande attraction est le pigeon. Été comme hiver, ils sont là et ne migrent pas. Ils nous offrent des moments d'évasion. C'est l'eau douce qui fait que je ne suis pas toute seule dans mon étang. Avec les vagues qui vont et viennent et qui m'apportent la douceur et la douceur. Badaboum, badaboum, tout s'écroule, badaboum, badaboum. Comment s'évader du bocal quand toutes vos passions vous lâchent? Car pour moi, ce sont les danses, la natation, la danse sur roulette, la randonnée, le dialogue qui me permettaient de me sentir bien dans mon bocal avant que je ne prenne conscience de ma maladie. De plus, mes soupapes ayant disparu les unes après les autres, l'écriture, le dialogue, l'isolement, la marche, je suis à nouveau enfermée dans mon bocal. Il n'y a pas de fumée sans feu, sauf par temps de brouillard. Obscuriosité. Aptitude à rechercher la lumière au milieu des ténèbres. Eudémagogue. Individu affecté d'un gonflement pathologique de la civilité. Paranorama. Point de vue qui se prend pour un point de mire. Pervertige. Trouble causé par la profondeur de sa propre immoralité. Pioncif. Formule d'une telle banalité qu'elle endort immédiatement l'auditoire. Plouch. Tentative. Le coup d'état qui tombe à l'eau. Ouais. Tonton, il n'y a pas de thème des patates en bocaux. C'est vrai, je suis un nom. Je pense à moi, car j'ai pensé toujours aux autres. Mettre des patates en bocaux, mais oui. Pourquoi pas de la confiture de patates? Écoutez-moi, j'ai vu sur les panneaux Conforama, moins 30%, c'est oui. Ici, vendent des patates ou quoi? Ici, vendent des patates, j'en achète, je regarde dans mes poches, je n'ai pas d'argent. Il faut que je travaille pour avoir de l'argent. Je suis en retraite. Mon argent que je touche, c'est pour ma survie. Donc au fait, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Je ne sais plus, des concombres. Dans l'ascenseur après le repas, l'ami à Marie, la vague a dit c'était des tomates, des choux-fleurs, la viande délayée. Non, la viande délayée, c'était aujourd'hui, je ne sais pas, la viande, la copine à Marie a dit il y a longtemps quand j'en parle, des patates en bocaux, oui peut-être, mais c'est bel air au fond, j'en passe. À table, j'ai dit les copines aux aveugles qu'on parle et sénat, la voix est mieux si je dis belle de mai. Je me sens mieux dans ma tête depuis que je suis sortie du bocal où j'étais renfermée. Plus libre, plus concentrée par mes activités. Où j'y trouve une porte ouverte à des choses qui me distraient. Vacalme. Tumulte intérieur dissimulé par un visage serein. Stimulacre. Action de faire semblant de se mettre à travailler pour augmenter l'activité des autres travailleurs. Vulnérabile. Qui sait jouer de sa fragilité. Toubible ou médecin. M-E-D-E-S-A-I-N-T. Docteur perçu comme sauveur. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiens, l'émission se termine. Et si on la mixait dans un grand bocal scratcher, qu'est-ce que ça donnerait ? Bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur. Ce soir, ensemble, nous allons essayer d'apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Cependant, mesdames et messieurs, nous allons essayer de l'apprendre ensemble. Mesdames et messieurs, le mot de ce soir est... Les évêques du bocal, test. Très bien prononcé, commencez les définitions, s'il vous plaît. C'est cela, oui, ça d'accord. Maladie. Mais ça, tu peux pas le comprendre. Tu peux pas le comprendre. Épistémologie. Ouais, du coup, c'est pas ça. Moi, je veux dire que c'est un combat, mais qui se passe dans la tête. Psychologique, voilà. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi c'est... Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. Cauchemardé. Pour un homme politique de droite, rêver que ses adversaires détiennent tous les pouvoirs. Voilà. C'est chouette comme métaphore, non ? Pour moi, j'adhère. Oh, on n'y arrivera pas. Bonjour. J'ai besoin d'un vrai docteur parce que je suis fondu. Explication. Cette émission a été conçue, préparée, animée, montée, démontée, inventée, imaginée, etc. par Olfa, Sébastien, Amélia, Michael, Françoise, Éval, Jacques, Sacha, Christelle, Valérie, Bruno, Clément, Nathalie, Mathieu, Frédéric, Adeline, Denis, Dominique, Sylvain, Geoffrey, Michel, Céline, Janine, Elvire, Agnès, Pascal et Stéphane, Flora, Félix, Noémie, Jean et Monique. Oh loulou, il y en a eu du monde. Et puis, on voudrait vous dire que les patateurs et les patateuses s'exile à Toulouse du 28 janvier au 1er février 2013 pour participer à des rencontres radiophoniques des Bocalantes. Et puis, on vous invite à nous rejoindre aux Assises de la psychiatrie et du médico-social les 31 mai et 1er juin 2013 à Villejuive pour défendre avec nous une psychiatrie humaniste. La Patato sera disponible en podcast sur le site de la Radio Primitive, écoutable dans le monde entier et réécoutable à l'infini et pour toujours.